Ben oui, dites. Bonjour. Direct, samedi 5 août 2023. Donc, je vais attendre un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Bon. YouTube, là. C'est un des petits problèmes des fois. Bonjour, Roselyne. Donc, c'est drôle, ça me dit qu'il n'y a personne. Moi, je gage. Ah, il y a vous. Il y a vous. Donc, ah, bonjour, Joey. Donc, ça devrait me dire deux, mais non. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on parle? Parce que, comme d'habitude, je n'ai pas vraiment de sujet. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Lamiche. Jean, bon matin. Donc, c'est ça, moi, je n'ai pas de sujet. Bonjour, Mel, Martin. Donc, A7. Virginie, bonjour. Je dans le jeu, bonjour. Régine, bonjour. Isabelle, bonjour. Bonjour à tous. Donc, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des sujets, parce que. J'ai pas d'idée. Souvent, quand je commence le live, là, je suis vraiment vide. Bonjour, Elisa. Vraiment, je n'ai pas. Il n'y a pas grand-chose qui me préoccupe ces temps-ci. Est-ce que la femme a la même conception que l'homme pour entrer en fusion? Ça dépend. Ça dépend de l'individu. Il y a encore des feux chez vous. Ouf, oui, au nord, qu'on nous dit. Mais ça tient pas la route, là. Mais bon, on nous envoie du smog, là. Bon matin, vie. Ah. Stéphane de Saint-Michel. Ah, OK. Bon, ben, bon matin. Mais oui, l'affaire pour la fusion, je pense que dès qu'il y a une conception, ça veut dire que c'est intellectuel, là, d'une certaine façon. Donc, c'est quoi, là? Il y a une différence entre le phénomène puis la conception qu'on en a. Puis même là, avec ce que c'est devenu là, dans les dernières années. Mais est-ce qu'il y a une. Oui, au niveau de l'intellect, je trouve qu'il y a des différences. Bonjour Jean-François. Je trouve qu'il y a des différences dans le sens que, bon, souvent, les dames vont être plus spirituelles un peu. Puis les hommes, ils vont rationaliser plus. Ce qui est pas mieux. Donc, mais dès qu'on le conçoit. C'est déjà moins ça, je considère. Je m'en rendais pas compte, mais même là, c'est des termes que maintenant, là. Bonjour Didier. Jacinthe, bonjour. Mais tout est différent, hein? Les hommes, les femmes, il y a des grosses différences. Quoique, si tous les bois brûlent, il faut planter des arbres. Moi. Il y a des endroits, en tout cas, moi je vois une certaine logique là, où ça brûle. C'est très bon. Mais regardez en Grèce, il y a un politicien grec qui a dit qu'au moins 90% des feux seraient d'origine humaine. Ben, c'est clair. Dites-nous, que se passe-t-il avec les peuples autochtones du Canada? Pas grand-chose. Bien franchement, ben c'est difficile pour moi d'en parler. J'ai pas, je connais pas le phénomène de l'intérieur. Mais il y a une réserve ici à 10 minutes. Puis, ben moi, je trouve qu'ils sont. Il y a encore ce qu'on pourrait appeler en guillemets le mot commence par G, là. C'est très, très. C'est juste plus insidieux que c'était. Puis, ils se laissent faire. J'en vois beaucoup quand je vais près de, vous savez, là, ce que vous appelez KFC en Europe, là, ou ici PFK, là, j'en vois beaucoup. C'est exactement ce qui devrait pour. Bon, en tout cas. Bonjour Olivier, bonne fin de semaine. Oui, j'ai été très spirituel aujourd'hui. J'ai même comme une aversion à tout cela, ben c'est qu'à un moment donné, oui, on finit par se rendre compte. C'est souffrant être spirituel. C'est souffrant. C'est de la souffrance psychologique. C'est dur, hein? C'est très difficile. On devient tellement sensible à des choses qu'on construit. La déconstruction, ça donne de l'énergie, mais c'est comme si c'était, vu que c'est comme polarisé, hein? On en perd aussi. Donc, bonjour Claudine, Olivier, hey, Monsieur Poulin, bonjour. Je me souviens des fois quand David il me dit voudrais-tu faire une entrevue puis tout, je vois ma interview d'autres membres puis tout. Je t'ai souvent dessus que je dis ça serait intéressant. Puis il me dit tout le temps ça serait le dimanche puis ça donne pas, je sais pas trop. Bonjour Nella. Il dit et pourtant ils ont été victimes de beaucoup d'événements. On parle de 80 000 enfants, moi. Ici, il y en a là qui ont subi des affaires que ça n'a aucun sens. Vraiment, se faire mettre à genoux sur des chapelets jusqu'à ce que les genoux leur saignent. C'est incroyable. Vraiment, là, comment est-ce qu'on... En tout cas, je veux même pas y penser. Je deviens très en colère. Ça me met le feu, ça. Hein? Faites un live avec Olivier. Ouais, moi, je suis pas bon comme technicien. Tout ce qui est technologie, je suis pas bien bon. Je ne sais même pas comment. Ce qu'il fait, David, je ne sais même je suis pas bon. Je ne sais pas comment il fait. Quand on aura de meilleurs sujets à discuter autres que l'Ukraine et la politique, moi. Ouais. Moi, ouais, c'est sûr que. Bon, on va en parler un bout encore. C'est pas fini, hein? En tout cas, t'as pas idée des livres spirituels que je me suis débarrassé depuis que je t'écoute. Ah ben là, je veux pas être une influence à ce point-là. Là. J'ai... Ça, c'est des affaires que j'aime. Ouais, non plus, ok. Ouais, d'être technicien, là. Ah, que j'aille ça. Mais c'est un peu comme à la polyvalente, il y avait ceux qui étaient dans l'audiovisuel. Souvent, c'était des espèces de nerds là, qui jouaient aux cartes magiques. Puis des fois, un midi, je pouvais pas aller manger chez moi, j'avais pas le temps. Puis j'ai dit, je vais aller à leur patente d'audiovisuel, ils faisaient jouer des films. Et je suis pas resté longtemps. Il y a une espèce d'ambiance, hein, il y a quelque chose, les gens très, très technologiques, là, ou qui aiment ce qui est très... ce qu'on appelle des nerds, là, puis des geeks, je sais pas c'est quoi la différence. Il y a quelque chose. je suis pas capable. Bonjour à tous, bonjour Valérie, Marie-Jeanne. Sinon, je veux demander à David qu'il organise un live avec vous trois. Ouais, ce serait le fun. Ben oui, pourquoi pas, mais ça, faut que ça donne à tout le monde. C'est ça, des fois, qui est... Maxime Charlebois, je viens d'arriver, ça va? Oui, ça va bien. Ben oui, ça va pas mal tout le temps bien. Même des fois pour venir à bout d'avoir du stock plus intéressant, si on peut dire, il faut que je me... Ça va trop bien des fois, là, pour être intéressant. C'est comme l'affaire, là, le professeur de Concordia. Moi, j'ai vraiment pris ça avec humour, là. Je le trouve plus drôle qu'autre chose. Ça me choque plus, hein. Ça me choque plus, ces affaires-là. Pas autant qu'avant, en tout cas. Parce qu'on, maintenant, à un moment donné, on connaît la game. On connaît la game. Puis, bon, c'est que ça nous choque. Je l'ai vraiment appris avec humour. Mais là, lui, c'est parce que c'est pas intelligent, là. Dans le sens, les gens vont s'en souvenir. C'est un peu ça que j'expliquais, parce que moi, je suis pas agressif envers lui. Parce qu'il y a des bonnes chances que je pense plus. À moins qu'on me le rappelle. Mais c'est pas intelligent, là. C'est vraiment pas intelligent. Les gens vont s'en souvenir, puis il y en a qui vont vouloir qu'ils démissionnent, puis ils lâcheront pas, là. Ils vont vouloir qu'ils s'excusent. Puis, bon, un certain type de mentalité, eux autres, c'est « je suis la victime », hein. Fait que je ne s'excuserai pas. Fait que là, ça fait une dualité, comme. Puis là, ça va, la tension augmente. C'est jamais bien bon. Bonjour, Nella, ça, Lupo. Je cherchais... quelque chose en faisant des stages spirituels, je ne trouvais rien trop compliqué. Le réel est bien plus simple. On se casse la tête temps. On se complique la vie. Puis, c'est quoi qui l'a dit, Concordia, j'étais pas là. Oh, c'est un professeur en marketing. Il a dit que l'accent québécois était un affront à la dignité humaine. Puis, un monsieur d'origine étrangère. Puis, l'affaire, c'est que c'est ça qu'il a dit, là. Vraiment, j'ai écouté en anglais ce qu'il dit. Puis après, il dit, oh, je parlais du joual. Ben, non, on t'a dit l'accent. Il a dit l'accent. Il s'est mis le pied dans la bouche, mais pas à peu près, là. Ben, bon, c'est son problème. Hein? C'est ça. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de moi-même, puis je le sais que je suis pas toujours une lumière. Ça fait vite de faire des faux pas. Le monsieur, il se pense bien, bien brillant. C'est ça, c'est tellement dangereux. Tellement dangereux. Il paraît qu'on fait fuir un ours en éclatant de rire. Il va falloir faire ça avec tous ces malades. Ouais. Mais ils fuiront pas, là. Ils vont juste être désarçonnés un petit peu. Mais là, si vous savez pas quoi faire avec votre argent, donnez-moi. Moi, il y a une anecdote qui m'avait fait bien rire, c'est une femme qui n'arrêtait pas de se plaindre. Elle allait voir Bernard de Montréal, puis elle dit « J'ai des remords, puis je culpabilise, puis j'ai trop d'argent. J'ai trop d'argent, je suis pas bien avec ça. » Puis là, Bernard, il avait dit « Bon, ben allez faire un retrait, mettez tout ça dans des petits sacs, puis là, pendant la conférence, on va distribuer ça à tout le monde. » Ça a réglé le problème. Il y a quelque chose des fois avec l'argent. Voyons, donc, dire se plaindre, là, j'ai trop d'argent, je suis pas bien avec ça, c'est une façon de se vanter. Là. Puis je dis les accents au monde. Moi, je n'aurais pas jusqu'à dire ça. Là. Je sens pas mal tout intéressant, les accents. Vous avez bien fait de le remettre à sa place. Qui ça? Je me souviens pas, là. Ben non, si on parle du professeur, là, il ne m'écoute pas. Là. Il n'a même pas dû avoir connaissance que j'en ai parlé. Si c'est le plus joli, ben, si vous le dites. Moi, c'est quand j'ai écouté à un moment donné, c'est là que j'ai réalisé d'où venait l'accent québécois. Et j'étais vraiment surpris. Puis c'était vraiment ça, là. D'ailleurs, les Québécois prononcent encore les accents circonflexes, ce qui n'est pas le cas, là, en France. Donc, j'ai fini par... J'avais vu aussi un historien, je ne me rappelle plus de son nom, il doit être décédé aujourd'hui. Il dit, au 17e, là, à cause de Louis XIV, il ne faisait pas froid, il faisait fret. Il dit, notre parler vient de là. J'étais très surpris. Patrick C., il a parlé de l'argent. Ah oui, ça doit être dans ses intérêts. Hein? Là-dessus, je n'ai pas à parler non plus, mais c'est juste normal. C'est juste normal, mais je ne l'écoute jamais. C'est pas C, Patrick. Patrick C. J'écoute pas personne, hein? Ben franchement, quand j'écoute des choses, souvent, c'est des niaiseries. Oui, c'est dans son intérêt. Moi, ben, à ce moment, il revient des affaires pyramidales, là, avec des produits, puis bon. Hein? Cette semaine, j'ai pas eu une bonne semaine, mais vraiment pas. Pas dans le sens que j'ai perdu, mais dans le sens que j'ai rien fait, j'ai rien eu. J'ai pas réussi à générer rien. Bon, c'est Patrick ou Patrick C, je sais plus. Je pense que c'est Patrick. Pourquoi dans ce monde, la femme a toujours été diminuée dans la Bible, par exemple, ou bien encore en considérée comme un objet sexuel pour l'homme de nos jours? Quoi, vous trouvez que l'homme n'est pas considéré comme un objet aussi? Moi, je trouve qu'il y a une diminution de l'humain, mais c'est juste que c'est de la différemment. Très différemment. Mais, bon, la femme a toujours été diminuée. Oui, parce que... Mais, au niveau de l'histoire de l'humanité, si on recule très, très loin dans le temps, les sociétés néolithiques étaient souvent matriarcales. Puis il y a beaucoup eu des... Souvent, c'est les femmes qui envoyaient les hommes à la guerre, puis au fond, c'était des guerres entre des chefs féminins. c'est les hommes qui allaient. Mais prenez les Iroquois. C'est matriarcal, c'était matriarcal, les Iroquois, mais c'est les hommes qui allaient mourir. C'est les femmes qui. Prenez ici, comme je vous dis, il y a une réserve pas loin. La chef, ceux autres, c'est des Algonquins. La chef, c'est une femme. Fait qu'il y a peut-être eu un revirement à un moment donné. Mais les religions paléolithiques, néolithiques, c'était basé sur le féminin. Y a peut-être eu de l'abus parce que c'est de l'humain. L'humain, c'est abusif. Puis à un moment donné, il y a eu un revirement. Il y a peut-être des mémoires de ça encore. C'est possible. Hein? Avant, c'était les femmes qui dominaient, ben oui. Puis ils dominaient par les hommes. Il faut sortir de ces rapports de domination. Ouais, mais l'affaire, c'est que ça fait partie du contexte. Dans le sens que c'est comme même si on n'est plus là-dedans, la société est comme ça. Donc, c'est de composer avec, il faut faire avec. Hein? C'est pas normal de dominer ni pour la femme ni pour l'homme. Ben, le problème, c'est peut-être pas justement, c'est la norme. C'est normal dans le sens sociétal, là. Donc, OK, merci pour votre information. Ouais, mais moi, je vous donne mon opinion, là. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais moi, je le vois comme ça. Puis souvent, j'ai vu des hommes en conflit qui se battaient, qui se mettaient dans le trouble, puis c'était des femmes qui menaient le jeu. C'est très, très, très subtil. C'est très subtil. La domination est ni féminine ni masculine, puis la propension à diminuer non plus. Bonjour, que penses-tu du stoïcisme? Ça dépend, là, comme Marc Aurèle, puis... pas grand-chose. Ben, il y a un enfer, il y a des choses qui sont pas folles. J'avais le manuel d'Épictète. Ben oui, mais c'est vrai que si. C'est vrai qu'on se crée des besoins. Il y a ça que je suis parfaitement d'accord. On se crée des besoins. Puis comme c'est pas réel, après, comme on peut pas tout le temps, bon, ça crée de la frustration. Puis ça revient à sortir du psychologique un peu, dans le fond. Hein? En parlant des manifestations de la Vierge, tu as dit que les forces derrière viennent se nourrir. Pourquoi il n'y en a pas plus de ce genre de manifestation? Parce que ça s'adapte selon les époques. Fait que, ben, se nourrir, ça, c'est une spéculation de ma part, là. Mais moi, je vois un lien avec certains types de religions animistes, là, des choses qu'on voit. Mais ça s'adapte avec les époques, puis quand c'est pas ça, c'est des extraterrestres, c'est des ovnis, entre guillemets, là. Donc, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Au contraire, je trouve qu'il y en a beaucoup des manifestations. Même, je trouve qu'il y en a peut-être de plus en plus, mais c'est tellement dispersé qu'on en parle moins. Avant, dans le temps, il y avait un cas, puis là, c'est ce cas-là qu'on parlait pendant 60 ans. Aujourd'hui, c'est rendu presque banal. Dans le fond, là. J'ai habité un village que c'est une des places qui a le plus d'ovnis au Québec. Puis je le savais même pas. Puis c'est par après, à un moment donné, je suis tombé sur un livre de Jean Fergusson. Jean Fergusson, là. Puis le nom du village était cité, je sais pas combien de fois dans le livre. Le trois quarts des cas de ce livre-là, c'était le village où j'étais. Puis des affaires assez spéciales, là, que ça gâche la vie des gens. Ça gâche la vie des gens, c'est ça, moi, qui m'écœure. Même si on prend les mystiques, là, dans des petits villages, là, comme il y a eu en Bosnie, ces enfants-là, ça gâche leur vie tant qu'à moi. Ça n'a aucun bon sens. Bon matin, le pouvoir et la capacité d'arriver à son objectif en faisant plier les autres, alors que la puissance est la. À heurter, en tout cas, d'arriver à son objectif en se respectant et en respectant les autres. Moi, ouais, bah, je trouve que je suis d'accord, c'est une bonne définition. De toute façon, dès qu'on domine les autres, ça veut dire qu'on est dominé. Souvent, mais des fois, c'est nécessaire. Je veux dire, si vous avez affaire à quelqu'un de dominateur, là, puis qu'il faut mettre. Faut vous faire respecter, là. Ben, des fois, c'est le contexte qui décide les règles du jeu, là. On peut pas se laisser faire non plus en se disant, moi, je respecte les gens qui me respectent pas. C'est là, là, pas tomber là-dedans, là, ben, ça peut être dangereux. Tellement dangereux. Ils veulent pas trop montrer, organiser, sinon, des gens, ils vont comprendre l'arnaque pour les apparitions. Ouais, ben, il peut y avoir quelque chose à la base, puis après, c'est récupéré. Comme en Bosnie, là, il y avait un directeur spirituel, un franciscain, puis c'était encadré, hein? Il reste que c'était des jeunes, là. Bon. Et puis, il y en a certaines récupérations, puis après, ça génère des revenus. Là, où ce qu'il y avait Padre Pio, là, les moines, ils en font de l'argent avec Padre Pio. Puis là, le monde, ils vont voir le corps, puis ils disent, oh, il se décompose pas, le symptôme. Ah ouais, mais c'est un masque en silicone. Si je refouille dans mes notes, je peux même vous donner le nom de la compagnie qui l'a fait. Je suis désolé. Vraiment, mais c'est risque. C'est comme vous avez un village au Québec près de Sorel, c'est Saint-Ours. Puis il y a à un moment donné, le maire de Huntington, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Il n'est plus maire d'Huntington, Stéphane Gendron. Il faisait des farces, il dit il y a un Saint-Lin puis il y a un Saint-Ours au Québec. Ils ont-tu canonisé du lin puis un ours? Non, c'est parce que t'es pas cultivé, M. Gendron. Saint-Lin, c'est Saint-Linus, puis Saint-Ours, c'est Saint-Ursus. Puis à Saint-Ours, dans la crypte de l'église, il y a un doigt de Saint-Ursus. Puis le doigt, il est anormalement long. Là. C'est pas normal. Fait que d'après moi, il est enveloppé de cire. C'est de la cire. Il y a peut-être un os dedans. Mais il reste que... Là, le monde, après, il voit ça, tu sais, de la passée magique. Là, ça devient des amulettes, là. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, l'affaire des reliques, là. Je trouve ça dégueulasse. Puis, ben franchement, mais là, bon, les Canadiens français, ils ont besoin de ça. Ça fait partie de leur identité. Puis, je suis plus pour qu'on conserve ça le temps qu'on en a encore besoin, qu'il y a des gens qui en ont besoin, que de dire c'est tout de la merde, là, par contre. Là. J'ai un certain respect pareil, là. Tu sais, c'est pas moi qui dirais qu'il faut se débarrasser de ça, là. Mais il reste que, hein, ils veulent pas. OK, bonjour, ah bonjour, Samab. Oui, des gens pensent que c'est eux qui dominent, mais eux-mêmes, ils sont dominés. Moi, ouais. Je reste à Sorel à côté de Saint-Ours. Ben, c'est beau, Saint-Ours. Les petites rues, là. Ben, des rues, des petits chemins. Ben, vous êtes dans votre salle à dîner, puis vous voyez le voisin manger sa soupe, là. Ben, c'est beau, Saint-Ours. C'est plein de vieilles maisons coloniales françaises. L'architecture est tellement vieille. C'est vieux Saint-Ours, ça doit avoir 300 quelques années. Proche 300 ans, certain. C'est tellement vieux, mais c'est un beau petit village, tranquille. Puis, j'allais là l'été, quand j'étais enfant. Salut Berthold, j'ai parlé avec une maîtriseuse, elle. Elle a parlé beaucoup des apparitions de la Vierge. Elle reçoit beaucoup de gens. Elle dit faire le bien. T'en penses quoi? Ça dépend des magnétiseurs. Hein? C'est du cas par cas, ça, ces affaires-là. Mais l'affaire, je suis pas là. C'est supposé être un empiriste, un magnétiseur. Dans le sens, c'est sûr que j'oserais, là, savoir son école, entre guillemets, là, d'une façon de parler. Mais parce que là, la magnétiseuse est magnétisée par des formes. Puis ça n'a pas rapport avec le magnétique comme du métal, là. C'est être mesmérisé quelque part. Dans le sens que, bon, ben même si on fait un parallèle avec un métal qui est magnétique, au niveau moléculaire, les molécules sont toutes alignées. Ça crée une propriété magnétique à cause de certaines lois de physique. Se faire magnétiser, c'est se faire réorganiser. En tout cas, ça dépend des magnétiseurs. Penses-tu qu'investir dans l'argent est encore intéressant étant donné la demande grandissante dans l'industrie? Oui. Ben oui. Au niveau même, si on passe à ce qu'ils appellent les énergies vertes, l'argent, c'est un conducteur important. Là, on peut pas s'en passer. Les subtilités de la domination se manifestent souvent sous le masque du bien et souvent se cachent sous le visage de l'adjoint ou l'assistant et contrôlé à partir de... Ouais. Ben, prenons le cardinal de Richelieu. Il y avait un autre qui était, lui, il était sur le terrain plus, puis il était aussi, je dirais même peut-être plus dangereux encore. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est celui qu'on appelait l'éminence grise. L'éminence grise, ça vient de là, l'expression éminence grise. Ouais. Les adjoints, là, les bras droits. Les bras droits. Même un bras gauche, des fois. Qu'il a encore vous parler avec. Celui qui encore sous, surtout si tu peux avoir des largesses physiques et non des actions mineures. Ouais, c'est bien les deux. C'est bien les deux. Ça dépend de la minière. Moi, j'ai perdu beaucoup avec une petite minière. Puis c'est ça. Puis à la dernière minute, j'ai dit bon, ça va faire. Je me débarrasse de ça. De celui qui se cache avec le masque du bien derrière les rideaux. Ouais, des fois, il n'y a même pas de masque. Il y a juste des rideaux. Là, les éminences grises, il y en a encore pas mal. Les entités, ça vient tromper les gens. Ben, dès qu'il y a une entité, même la notion d'entité, ah, oh, ça bug. Bon, je m'excuse. Je sais pas, ça se peut, là. Je vais regarder ma connexion. Ça se peut. Bon, moi, c'est correct. Ça a l'air correct. Bonjour Mario. Mais ouais, ça se peut. Ça dépend là. Bon, ben coudonc. Moi, mais pour ce qui est de les mineurs, il s'en vient des gros projets au Québec. Puis si les gens ils se rendent pas compte de ce qui se passe, c'est pas le peuple qui va faire de l'argent avec ça. C'est pas au peuple que ça va profiter. Puis on aurait tout intérêt à s'instruire de ça. Vraiment, là. Bonjour à vous, en direct du bois. Il fait beau. Ah oui, bon, tant mieux. Souci, là. Mais on a eu un été tellement froid. J'ai jamais eu un été comme ça avant. Il y a eu de la pluie tout l'été, puis c'est surtout qu'il fait tellement froid ici. Donc, l'affaire de canicule, là, qui nous parle à la télévision. Même les feux, ça se tenait pas, ce qu'on nous disait. Il fait 14. Ah, ben, comme dans la pièce où je suis, parce que je tiens ça à 14. Ben, c'est pas j'ai une machine pour ça, là. Non, il fait un petit peu plus chaud que ça dehors. Mais, ouais. Ah, oui, 14. Ah, ben. On a sorti les bonnets. Moi. Ouais. Max, dans une heure, je viens chercher le bois chez vous. Ah, oui. Bon. Ah, j'ai déjà eu une terre à bois. Ben là, c'était du boulot, là. Pas dans le sens du travail, c'était les arbres que j'avais. C'est pas extraordinaire. Pensez-vous que la France va quitter le Niger sans déclencher une guerre? C'est dur à dire, ça. J'avoue que j'ai pas trop regardé ça. Mais j'ai vu qu'il y a eu un coup d'État, puis toutes les. Si on regarde l'histoire de la France-Afrique, puis tout, puis. Peut-être que les Américains sont en train de. En tout cas, les anciennes puissances coloniales, aujourd'hui, la France est complètement agenouillée. Bon. Aucune idée. Mais là, ça ne me surprendrait pas que ce soit le futur échiquier pas mal. Vous voyez les Russes en Afrique, là. Les Chinois. Ben, peut-être que c'est ce coup d'État-là, c'est y a un petit côté théâtre, puisque c'est du roulement de personnel, tout simplement. Chauffage rallumé. Ah oui, eh ben, j'irai pas jusqu'à chauffer, là. Comment vas-tu? Ça fait un moment. Bon, moi, ça va bien, si c'est à moi que vous parlez. Ah, ici, il fait plus frais. 27, moins. Le peuple est à genoux. Bon, je parlais. Moi-même, je suis pas le peuple, je parlais, là. Au Québec, j'ai vu, on est à genoux devant des gens, à genoux devant des gens, à genoux. Au Québec, j'ai vu un reportage sur les minières et ils peuvent arriver chez vous et tu n'as rien à dire. Ils décident de creuser dans ta cour pour trouver du minerai. Ouais, puis s'ils trouvent quelque chose, ils vous exproprient. Ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on est sous la loi de l'amirauté, puis que les lois commerciales, c'est pas les vraies lois, dans le sens que. Si l'État décide qu'il vous exproprie, puis vous pouvez rien faire. Ça retombe bien de la couronne, d'une certaine façon. Puis il y avait un bonhomme, lui, c'était la maison que son père avait bâtie, puis il voulait pas être exproprié, puis il avait refusé l'argent que lui offrait la minière puis le gouvernement. Ben, ils l'ont sorti de force. Ils l'ont sorti de force, puis ils ont démoli sa maison. C'est comme ça. Pourquoi tu lis à 14, tu vois, encore qui ne supporte pas cette température? Ben, j'aime pas beaucoup la chaleur. Suis pas fort sur la chaleur. Quand il fait chaud, là, moi, je suis confortable autour de 14. Donc, ça coûte pas cher de chauffage, l'hiver. Ben, j'aime pas avoir trop chaud. Je suis capable de l'endurer, mais il faut que je m'habitue. Mais non, je suis pas du genre à me plaindre des températures, mais c'est à 14 que je suis confortable, vraiment. Puis, c'est comme ça. Mais non, on dirait que je produis beaucoup de chaleur. Donc, même quand il faisait des tests là, pour voir la température, là, il regardait la température des gens pour entrer, ça m'inquiétait. Je me disais, ils vont penser que je fais de la fièvre alors que c'est ma température normale. Ça m'inquiétait un petit peu, mais finalement, la chaleur qu'on se pose aux extrémités, c'est ici. C'est là que je suis plus chaud que la normale. Donc, quand ils me testaient qu'on me met un thermomètre, j'ai une température normale. Mais il reste que, bon, il y a un phénomène, ça, c'est les taux mauves. L'affaire, c'est que quand j'étais dans le début de la vingtaine, à un moment donné, je me suis mis à lire Sainte-Catherine de Sienne, puis je me suis rendu compte que j'étais capable de jouer avec ma chaleur corporelle. Mais au niveau de la poitrine, en tout cas, mais c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est connu, ces affaires-là, ça fait longtemps. Mais il y en a même. Regardez, là, au Tibet, il y en a, ils font des concours, ils trempent des serviettes dans l'eau froide, ils sont dehors, puis ils mettent ça dehors, puis ils se mettent ça autour d'eux, puis celui qui remporte le concours, c'est celui qui sèche le plus de couverture. C'est des choses. Bon, pourquoi OK, le foie, ça sert pour la santé, mais il faut s'habituer. Ouais, ben, c'est pour la circulation. C'est bon pour la circulation. Moi aussi, mais je suis en ménopause. Bon, ben, ça aussi, si jamais, là, il y a quelque chose qui peut aider un petit peu, c'est le sucre brun au gingembre. Ça aide à réguler. Hein? Tu as de la chance, pas de chauffage en hiver. Bon, je chauffe quand même, là. Dans mon coin, il peut faire jusqu'à quasiment. On dépasse les moins 45 des fois, là. Donc, là, non, je pourrais pas me permettre de pas chauffer, là. Ici, si vous chauffez pas votre maison, les tuyaux éclatent. Donc, même j'ai eu un hiver à un moment donné dans ma maison. Il faisait tellement froid. Ça n'avait aucun sens. Puis c'est là que j'ai compris que ma maison, je m'étais fait avoir, puis c'était quelque chose de mal isolé. C'était une maison qui venait du sud des États-Unis. À un moment donné, j'ai voulu encastrer quelque chose, puis là, j'ai vu l'épaisseur des murs. Puis c'était de la petite planche en bouffetée, là. Ah, j'étais. Et aussi, à un moment donné, je décide que je change un lustre, puis il me tombe une pelletée de chips de bois de la petite. Comment je pourrais décrire ça? C'est comme des petites paillettes de bois, là. Les fils étaient là-dedans. Puis ça avait chauffé, hein. Je dis, bon, ça n'a pas de bon sens, le feu va prendre. Il a fallu que je refasse tout le filage. Ça, je m'étais vraiment fait avoir avec ma maison. Mais bon, j'avais peut-être fin vingtaine, là. Je l'avais fait inspecter la maison, mais l'inspecteur était arrangé avec le gérant d'immeuble. J'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre, c'était tout arrangé ensemble, ce monde-là. Même le gars des pompes à eau, il était arrangé avec eux autres pour me faire changer des affaires, puis me faire payer, puis me faire payer, puis me faire payer. Ils m'ont pressé comme des citrons. Ça n'a aucun sens. Par après, là. Mon agent d'immeuble, quand elle a vu que j'avais fini par tout comprendre, puis tout, je pense qu'elle avait peur de moi. Elle voyait que j'étais pas content. Puis aussi, avec le temps, on avait appris à se connaître, puis tout, elle savait pas trop à quoi s'attendre. Oui, éviter le vin et le chocolat aussi. Ouais. HM, hein, je sais pas, c'est pas d'arnaque. Moi, je me suis vraiment fait avoir. Ben, moi, quand je regardais pour une maison, c'est tout le temps cette maison-là qui revenait. Ce qu'on me proposait. Parce qu'il y a eu un boom minier, puis les prix ont monté. Puis finalement, en tout cas, c'est une longue histoire, là. Mais j'avais fini par l'aimer, ma maison, mais j'avais mis tellement de temps, tellement d'argent. Puis je l'ai revendu à perte. Bonjour, Bertone. Bonjour, Niz. Donc, ouais, mais quand vous êtes jeune, là, les gens qui sont dans la vingtaine ou début trentaine, là, puis là, on se magasine une maison, on est des proies. Ça, je peux vous le dire. Parce que moi, quand j'ai décidé qu'il fallait que je me débarrasse de ma maison, parce que là, je vivais une séparation, puis je n'avais plus les moyens, puis j'ai carrément dit à l'agent d'immeuble, j'ai dit, tu vas me retrouver un petit couple naïf comme nous, on était. Parce que là, je veux vendre. Puis elle a fait, oh oui, elle avait d'affaires à faire ce que je dis. Ben, j'étais dénaïfié. J'étais des... hein? Bon. Bonjour, hein, Mystère Guerrière. Donc, ouais, c'est. Puis il reste que c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle m'a trouvé un petit couple naïf. Bon, c'est rendu que tu rouvres les portes, toi. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas rentrer de même. Ils savent que des gens, ils font l'expérience et profitent bien de ça. Ben oui, ben là, c'est parce que là, tu as ouvert la porte, il y a du bruit. Tu fais des bruits. Ben, je vais aller refermer la porte, là. Il va sûrement prendre ma place. Voyons, il a trouvé le moyen d'ouvrir la porte. Il sait comment ouvrir les portes. Petit grill est là, oui. Les gens aiment ça, s'embourber avec des gros paiements. Ouais. J'étais, dans le fond, même si j'ai vendu à perte, j'étais content de me débarrasser. Aujourd'hui, si je rachète une maison, on va être payé d'une shot. Vraiment, là, je rachèterai pas autrement. Il n'y en est pas question. J'ai beaucoup de colère. Les personnes autour de moi sont de plus en plus dominées par leur personnage théâtral, moi, ce qu'on pourrait appeler l'ego psychologique, là. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai mis un collier avec un grelot parce qu'il tuait plein d'oiseaux. Puis ça n'arrêtait pas. Puis j'arrête pas de ramasser les oiseaux morts. Puis là, il y a un grelot, là, ici. Puis ça change rien. Ça change rien. Ah. Mystère, je suis vieille et moche. Ben voyons. C'est un défi de tourner sa colère vers les forces plutôt que vers les autres. Moi, mais c'est pas c'est des réceptacles de force. Des fois, ben, c'est le seul. En tout cas, les soupes, les petits gris, ouais, il est plus aussi petit, là. Auriez-vous un petit bouquin ou revue à conseiller pour comprendre l'art systémique si l'homme intéresse? Non, pas vraiment. Vraiment pas, je pourrais pas dire, là. Vous savez, moi, j'ai étudié ça, c'est avec des feuilles blanches que c'est moi qui noircis. Donc, je pourrais pas dire. Peut-être, moi, mais là, j'ai plus ma bibliothèque entreposée. Puis je pourrais pas vous donner comme ça des. C'est souvent le sentiment d'isolation qui cause la frustration. Ouais, puis c'est juste un sentiment. Dans le sens que c'est pas réel. À un moment donné, j'ai réalisé ça. Ben, c'est justement quand j'ai été pris pour vendre ma maison, puis déménager, puis. J'étais dans une ville que j'aimais pas, où je connaissais personne. Puis je me sens aussi, je vivais des processus de changement, un petit peu de perception. Puis, en tout cas. Mais finalement, moi, je me suis, ça me venait souvent dire le sentiment de solitude n'est pas réel. C'est sûr, c'est un sentiment. Dans le sens que c'est vraiment un ressenti. Puis, qu'on amplifie ou que, en tout cas, s'en prendre aux autres nous fait ramasser du karma. Ça, je suis pas sûr. Là. À un moment donné, il faut grandir et lâcher les petits trous du bisque. Ouais, c'est parce que la notion de karma, c'est juste une loi de conséquence, le karma, puis on spiritualise et on entêtise ça. J'en ai vu du monde à l'éthique discutable, puis arrête, minou. Ça se peut, je... Arrête ça, là. Si je vois bien, c'est un chartreux. Les chartreux sont des grands chasseurs, surtout d'oiseaux. Le mien attrapait même les chauves-souris. Ouais, ah, je pense que les chartreux, c'était des moines. Pour ma part, j'ai acheté une terre avec un chalet avec deux de mes amis. Nous construisons quatre autres petits chalets. Offre-grid et Léane prochaine, Dieu, si Dieu le veut, animaux et potagers suivront. Ah oui, ben, c'est le fun, ça, en, justement en Estrie, parce qu'ici, là, c'est pas les terres, là. Même pour un cultivateur, ici, c'est du gumbo, puis ça pousse pas, puis il y a des beaux lacs, là, mais c'est de la barbotte, là, cause et effet, plus que karma. Ouais. Ouais, on spiritualise. Vous savez, l'affaire, ouais, il est pas mal beau, là. Un beau chat. Il est gentil, mais il est accaparant. Moi, j'avais un Maine Coon, ah oui. Moi, lui, c'est pas un chat de race, c'est un chat vraiment de gouttière, là. C'est un chat d'or qui s'est mis à... Bon, il s'est mis à coller ici, puis là, je trouvais qu'il faisait pitié, il était tellement maigre, puis là, à un moment donné, il est arrivé blessé. Puis, 3-4 fois, il a fallu l'amener en urgence. Ma colère, je me la digère. Ouais, la digestion, ça prend de l'énergie, hein. Les lois de cause à effet... font-elles partie de la programmation? Je dirais que c'est connexe. Je dirais que c'est connexe. Tu sais quoi, dans le fond, la programmation, c'est ce qui fonctionne en roue libre, en dehors de... Dès que vous êtes conscient de quelque chose, c'est plus un programme tout à fait. Puis si vous, dès que vous observez quelque chose, c'est plus un programme tout à fait. Il y a quelque chose qui fait penser à de l'intelligence artificielle dans la nature, là. Ce qu'on pourrait appeler la nature. Donc, mais c'est parce que là, bon, les bouddhistes et les hindouistes vont parler de karma. Là, d'autres, dans d'autres religions vont dire la providence. La providence. On spiritualise l'énergie, dans le sens que... on interprète spirituellement des mécaniques. Ça, ça veut dire que c'est pas intégré au niveau de la conscience. Un programme, c'est quelque chose qui fonctionne tout seul. Mais dès que c'est, si c'est observé, que c'est conscient, c'est plus un programme. C'est ça, hein? Avec mon chat, j'ai sorti tous les jours avec un harnais et la laisse. Je me promène comme ça. Moi, lui, juste lui mettre un collier, ça a été difficile, il n'y en a jamais eu. Puis là, il est moins peu qu'un autre chat que j'ai déjà eu, là, que je ne pouvais pas lui en mettre du tout, il se grattait jusqu'au sein. Mais lui, non, il est moins anxieux, il est plus... Mais finalement, mais je ne le promènerai pas en lisse, par contre. J'ai déjà eu un siamois qui marchait bien avec un harnais, mais lui, je pense pas qu'il accepterait ça, là. Hein, Daniel Ken disait... Que les Laurentides vibraient l'homme nouveau, qu'en penses-tu? Moi, j'ai jamais vu une place où il y a autant de sectes que les Laurentides, pour être bien vrai avec vous, là. Puis il y a eu une gang dans les Laurentides, c'est l'Ordre du Temple solaire, en Moronite, puis eux autres, ils parlaient d'homme nouveau, mais c'est un vieux concept de la spiritualité d'extrême droite, l'homme nouveau. Donc, je sais pas, là, pourquoi est-ce que les montagnes attirent les sectes? Prenez Aum Shinrikyo de Shoko Asahara, il est allé s'installer proche du mont Fuji, là, qui est une autre place qu'au Japon, c'est plein de sectes. C'est plein de sectes. Je sais pas, moi, les Laurentides, il y a tellement d'affaires dans ce coin-là, puis il y a des monastères d'affaires bizarres, il y a des communautés de ci, puis de ça. Je sais pas si c'est ça la vibration de l'homme nouveau. Peut-être que c'est une loi de conséquence, dans le sens que l'astral va vers son contraire ou vice-versa. Aucune idée, là. Mais moi, les Laurentides, j'aime pas ben ben. C'est pas j'aime. C'est beau, j'aime l'endroit puis tout, mais c'est tout ce qui est par là. C'est comme l'espèce de refuge, les Montréalais, tannés de Montréal, là. Mais eux autres, ils viennent avec leur vibration de Montréal s'établir dans les Laurentides. En tout cas. Je sais pas, là. Je sais pas. Des fois, là, je fais attention plus à ce que je dis, mais il reste, c'est vraiment ça. J'ai jamais vu une place au Québec où il y a autant de sectes pis de ci pis de ça que les Laurentides. C'est pas dans ce coin-là aussi qu'il y avait les apôtres de l'amour infini puis ces affaires-là. Non, je suis là, je suis pas sûr. Mais c'est comme, il y a des sectes ailleurs, là, comme Lac et Chemin, le Spiri Maria pis ces cossins-là. Mais les Laurentides... Quand j'étais enfant, puis qu'on allait dans les Laurentides, il y avait une famille là, dans ce coin-là. Puis je trouvais ça beau, puis tout, mais. C'est pas. C'est une affaire que, par contre, que j'ai tout le temps remarqué avec Montréal. Montréal, il y a une vibration énergisante, pareil. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais bon, moi, je trouve ça vibre pas autant, les Laurentides, tant que ça, là. On attire ce que l'on vibre. Ce que l'on mérite. Oh, ça, c'est intéressant. Une fois, une Chinoise, elle a échangé, elle a changé de trottoir, elle avait tellement peur, elle dit que c'est un tigre. Oh, ça dépend là, de quoi vous parlez. Ah, oh, le chat. OK, moi. Ben, ici, c'est les Autochtones qui n'aiment pas trop les chats, mais c'est parce que ça fait pas partie de leur culture. Donc, bonjour, penses-tu comme beaucoup que dans les plans, de densité supérieure, il n'y a pas de pensée involutive. Ben, j'imagine. C'était techniquement. Mais là, c'est quoi un plan de pensée supérieure? Juste la pensée, c'est déjà un plan inférieur d'une certaine façon. Donc, on dirait parler des plans de conscience, on peut dire. Il y aurait 8 paliers, puis là, même, il y a des interpaliers, puis là, on tomberait à 72 niveaux différents de conscience. Mais là, je vous dis ça de mémoire, là. Puis, ben, franchement, là, bon, c'est des affaires. Oui, les apôtres du lac infini, ils étaient dans les Laurentides. Non, ça, c'est les apôtres de l'amour infini. Puis là, il y a ailleurs, il y a la Lac et Chemin, c'est une autre gang. Les apôtres du lac infini. C'est pas pire, ça. Elle s'est mise à crier. Ah oui, la chinoise. Mais... Ouais, ben, c'est parce que c'est ça, il y a de l'espace beaucoup dans les Laurentides, puis, mais c'est un peu comme dans les années 70, c'est plein de hippies de Montréal où ils allaient dans les Laurentides, c'est moins loin que Montréal, là. Mais il y en a eu partout, là, je veux dire, des sectes, là. Mais ici, la ville où je suis, là, ce qui est pire, là, c'est des bérets blancs. Mais bon, non, ils sortent les sectes. Par contre, il y a des sociétés secrètes. Ils sont toutes là. Ils sont toutes là. Même il y a une autre ville à 1 heure d'ici où j'ai vécu, là, il y a toutes. Toutes. Même l'Ordo Templum Orientis, pis ces affaires-là. En tout cas, moi j'aime bien le coin lac mégantique. Ah oui, là, l'affaire densité, moi. J'ai fait. Moi, à un moment donné, c'est plus une question de longueur d'onde que de densité. Quelque chose peut être d'une certaine densité, mais si. En tout cas, je ne trouverai pas. J'ai fait une forme de vouloir dire de l'amour. Bon, chaque plan créateur a son double destructeur, me semble-t-il. À certains niveaux proches de la matière, j'imagine que oui. Mais ça, c'est des lois de polarité matérielle, là. Il doit pas avoir un plan où il n'y a plus de polarité. Ou est-ce que c'est tout le reste qui devient la polarité de ce plan-là? Hein? Les Laurentides contiennent quelque chose de spécial en termes de tellurie, mais justement, un effet contraire se produit dans le sens que ça attire le sensible. On voit le résultat. Ouais, ben, prenez, c'est comme dans. Moi, je suis toujours surpris, les montagnes, ça attire. L'être humain est attiré par les failles tectoniques puis par les montagnes. Puis c'est des effets psychomagnétiques comme les hauts-tellurismes parce que c'est inconscient. C'est sûr que les flancs des montagnes, c'est plus fertile. Puis bon, c'est des terres riches, puis. Mais c'est des endroits où je serais plus porté à m'en aller. C'est un peu comme la Californie sur le long d'une faille tectonique. On dirait que ça attire tous les fous. tous les fous. Ou le Colorado. Le Colorado, il y a des montagnes pas mal. Je sais pas si vous avez vu, vous vous souvenez de l'affaire, la Nouvel Âge, la Gourou Nouvel Âge, le Mother God. Aïe, aïe. C'était le Colorado, me semble. Mais je me demande à la base si ça venait pas du Texas, mais elle a fini par s'établir dans le Colorado avec sa gang. Une affaire de fou. Ça, c'est un bon cas pour voir jusqu'où ça mène l'Astral. Elle a fini par se nourrir presque exclusivement de vodka. Puis c'est ça, ses disciples l'ont laissé se momifier tout seul. Une affaire de fou. Dans l'anneau d'air aussi, les vibrations sont bizarres. Il y a quelques sectes aussi. Ouais, ben, c'est comme ici, s'il y en a, je n'ai pas connaissance, là. Comme les 72 combinaisons du dessin, moi. Ouais, ça a atterri à 72. C'est pas mal. Là, je parle dans n'importe quoi. C'est drôle, hein, que le taoïsme puis la cabale se rejoignent. Avec ça. Mais bon. Tu sais, on est tous le fou de quelqu'un. Oh, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais l'affaire, moi, quand je dis un fou, c'est quelqu'un qui est plus capable de fonctionner. Qui est plus en contact avec la réalité. Même pas besoin de dire le réel, juste la réalité d'être capable de fonctionner, là, d'être fonctionnel. Là, mes yeux, c'est ça, un fou. Fait que bon, j'aime les vibrations du Québec, tout est intense, la nature et le Saint-Laurent, l'air, la luminosité. Ouais, ben, c'est un endroit que je pense important. Puis j'ai l'impression qu'on c'est pour ça que les Québécois sont tellement, tellement, tellement manipulés. Il y a des instances qui veulent ils veulent les ressources. Hein. À un moment donné, on n'est plus important ce que les autres pensent. Ben, c'est ça. Ben, c'est une importance technique. C'est une importance technique ce que les autres pensent. Ben, je sais pas, là, ça dépend, là. Mais oui, les Laurentides, c'est l'endroit où j'ai vu le plus de chipis dans tout le Québec. Ah oui. Bon, il y en a partout pas mal de ça. Je me sens bien naïf concernant l'électromagnétisme. Le magnétisme, est-ce involutif? Ça dépend. J'ai entendu qu'il serait en voie de disparition partielle par des actions humaines. Ben, moi, je pense qu'il y a des instances qui veulent le contrôle, notamment. Puis, ils jouent avec ces affaires-là. Il y a un propriétaire qui a acheté un bloc en face du mien, puis il a mis sur le toit une espèce d'antenne. Je ne sais pas c'est quoi, je ne m'y connais pas très bien. Ben, depuis ce temps-là, l'érable, le grand érable qui est en face, il y a un trou dedans qui est vis-à-vis de l'antenne, comme si l'antenne était aussi un émetteur, puis ça avait. En tout cas, je sais pas s'il y a un lien, là, mais je trouve que c'est un drôle de don. Les voyants. Mais là, ça n'a même pas rapport à ce que je dis là avec le magnétique, là, c'est plus des ondes. Les voyants ou ceux qui ont des prédictions ou des informations qui peuvent venir de quel plan? Bon, moi, ouais, mais la pensée, c'est un plan. Dans le sens que il y a aussi, moi, je vois ça comme des longueurs d'onde, comme de la radio, finalement. De quel plan? Comment je pourrais dire ça? Ce qui est extrasensoriel, c'est parce que il y a ce qu'on pourrait dire, on baigne tout dans la même eau. Mais là, de quel plan? Est-ce qu'on va se mettre à grader ça tant que ça? Hein? Je ne suis pas vraiment un parapsychologue, dans le sens que je n'ai pas le vocabulaire pour. Mais c'est une bonne question. Ceux qui ont des prédictions, des informations peuvent venir de quel plan? Je pense que c'est pas important, autant que le discernement de l'information, la provenance, tant que ça. Ce qui est intelligent, c'est intelligent, puis ce qui sert, ça sert. Puis on dirait que dès qu'on intellectualise dans un système, on se coupe. Donc, j'essaie de pas trop penser à ça. Je veux dire que notre paix n'est plus affectée parce que les autres, parce que moi, je parlais pas aux fonctionnaires, moi, c'est sûr, parce que moi, j'ai vu, c'est, ben, souvent, si vous remarquez, les gens qui accordent beaucoup d'importance à ce que les autres pensent, ils se mettent à devenir dysfonctionnels. Il y a ce qu'on appelle les personnalités sensitives, c'est du monde qui surréagissent puis qui se sentent attaqués tout le temps. Ça, c'est parce qu'ils donnent trop d'importance, justement. Mais ils ne se rendent pas compte, mais dans le fond, c'est pas autant à la pensée des autres qui donne l'importance qu'à leur propre pensée, qui n'est pas vraiment leur propre pensée. Dans le sens qu'ils s'identifient à un expérimental qui se renouvelle, puis qui est désuet, puis qui n'est pas réel. Ça fait du monde problématique. Ça fait du monde problématique. Dans ma période où j'étais sur le LSD en 2020, au début, ça revient ça, le LSD, au début de la pandémie, j'avais cette obsession subconsciente d'aller au Mont-Saint-Hilaire, triste que j'ai pas vu Glenn avec ses tigris. Moi, le Mont-Saint-Hilaire, il y a le Mont-Radar aussi, là. C'est spécial. C'est spécial. C'est clair que, vu la pollution des corps aux particules métalliques, les ondes électromagnétiques font un bon métier. Ouais. Ben, on est conducteur, hein. Mais c'est drôle, ça, parce que, en tout cas, il vient de venir de quoi par rapport à de l'eau, là. Il faut se dire, je m'en fous ce que les autres pensent. Mais drette là, ça a accordé une certaine importance. Faut s'en foutre pour vrai, plus que le pommier en septembre n'a pas à convaincre les autres que les pommes existent, moi. Sur une partie d'un toit devant chez moi, il y a des panneaux solaires et depuis, les oiseaux n'y viennent plus, ni sur la partie sans panneaux. Ben, peut-être que c'est désagréable pour leurs pattes ou que c'est glissant. Ou ils ont peut-être peur. Ça réfléchit la lumière, peut-être, puis ils ont peur. À un moment donné, on n'a plus rien à prouver. Ah, ça oui. Mais ça devient juste un exercice. C'est comme, il y a des gens qui courent pour aller d'un point A à un point B, puis il y a des gens qui courent pour faire de l'exercice. Mais c'est pour vrai. Ah oui, comme quoi. Il faut se dire, ouais, c'est ça. Ben, si c'est pour vrai, on n'a plus à se dire à rien. C'est ça l'affaire. Hein? Dans le fond. C'est ça. Dans le sens que une identité réelle, ça s'identifie pas. Puis ce qui est vrai, on n'a plus à se le dire. C'est intégré. Donc, on n'extériorise plus. Parce que se dire de quoi, c'est comme extérioriser de quoi. Mais c'est dans le on extériorise dans le psychologique. Mais parce que c'est de l'extériorisation par rapport à la conscience en tant que centre. Donc, bon, il y a des choses. Mais j'ai remarqué, ça c'est au début de 2010, 2011, 2012, en me disant des choses à répétition comme des mantras, j'étais capable d'amplifier certaines capacités. Puis ça, c'est fort, hein? C'est fort les mots, mais c'est intérieur. C'est vrai, souvent on se parle à soi-même et on se sert des autres pour le dire, mais au fond, moi, ben, de parler aux autres, ça aide à voir des choses. Vraiment. Communiquer avec les autres, ça peut aider comment je pourrais dire, à prendre contact avec vous-même, d'une certaine façon, mais un vous plus objectif. Mais là, je m'exprime peut-être mal, là. On n'est pas intelligent tout seul, dans ce sens-là aussi, dans le sens que communiquer avec les autres, ça aide à être au niveau de l'intérieur, ça, en tout cas, moi je trouve qu'il y a des processus qui sont les forces qui ont permis et les progrès techniques sont-elles favorables à l'homme? Oui et non. Oui et non. Des fois, pour aider l'être humain, il faut qu'il se nuise. Donc, ils vont ou qu'ils se rendent compte que pour qu'ils se rendent compte qu'il est immature, il faut qu'il se blesse. Là, je parle collectivement, mais sur ce qu'on pourrait parler. Les sphères, là. Ouais, il y a un progrès technique. Pourquoi vous avez des inventeurs, des scientifiques qui font la même découverte en même temps? Puis là, ils arrivent les deux au bureau des brevets. Puis là, ils chicanent. C'est moi qui ai découvert ça. Mais comment ça que instantanément, ils ont eu la même information ensemble? Parce que ça ne vient pas d'eux autres. Ça a été disponible pour les deux en même temps. Donc, il y a des phénomènes comme ça, là, bizarre. Je m'en fous royalement des gens, ce qu'ils vont dire avec le temps. Moi, oui, avec le temps. Un phénomène assez intéressant ou même inquiétant, la capacité aux ondes du téléphone de venir analyser la fréquence cardiaque. Donc, lire les émotions puis t'envoyer des informations en lien avec tout ça. Moi, là, il y a une bébelle qui annonce ces temps-ci. Mais vous savez, moi, j'ai jamais eu de téléphone de cellulaire, là, j'en ai jamais eu. Puis j'ai tout le temps résisté. Mais même dans les textes, t'as des Motorola, là, et pas de même, là, qu'il fallait ouvrir avec une antenne. J'en voulais pas. Puis j'ai du monde, même des proches, qui voulaient que j'en ai un, puis ils voulaient m'acheter ça. Puis je disais, non, j'en veux pas. Puis ils disaient, ouais, mais blablabla. Puis je disais, ça va finir ça par que ça va finir par être gros comme un. Ça va être gros de même, puis tout le monde va avoir ça, puis ça va être l'enfer. Puis je veux pas commencer ça, je veux même pas m'habituer. Puis je passe un peu pour un sauté de dire ça, mais aujourd'hui, c'est comme je disais. Puis bon. Même, j'ai eu une chicane avec une de mes conjointes parce qu'il y a un cellulaire, j'étais tellement fatigué que j'avais enlevé la carte en dedans et je l'avais lancée sur un toit. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Bon, ben, tant mieux. Moi aussi, je suis content, là. Mais il va falloir que je cesse bientôt, ça fait 1 heure. Faut être capable de discernement pour voir la marde dans le bien et le bon dans le mal. Ouais. Faut dépasser la polarité. Faut voir au-delà de ce qui est polarisé. C'est là que ça devient. Avoir du discernement, mais le vrai, là. Oui, pour ma part, parler avec les autres favorise la spontanéité. Ben oui. C'est comme un exercice. Que ce soit même une genre d'annonce envoyée dans la tête par la pensée 2, 3 secondes avant de le voir sur un écran. Ouais, ben. J'ai remarqué, des fois, je vais penser à un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je pense à ce film-là. Puis là, 2 semaines après, là, j'apprends ils annoncent qu'ils vont faire un remake. On est tous connectés, hein? Internet, là, c'est juste une densification du psychisme. À ce niveau-là, on est tous interconnectés, on est tous connectés. Comme le chat quand il dort, puis qu'il rêve, qui court, puis je le vois bouger, puis tout, puis qu'il rêve, qu'il chasse, c'est au niveau de la vie de son âme, puis il est en connexion avec les autres chats. L'âme collective des chats. Puis l'être humain a quelque chose comme ça, puis qu'on s'en rend peut-être pas compte, là. J'ai acheté avec 2 de mes amis une terre avec un chalet. Nous allons bâtir 4 autres chalets. Il me semble que vous l'aviez dit. L'année prochaine, ah, OK, si Dieu le veut. Moi, ouais, il me semble que vous l'aviez dit tout à l'heure. Mais ça, j'aimerais ça aussi acheter. Mais bon, en attendant, je peux pas en ce moment. Les gens, ils me détestent à cause de ça. Oui, ben, faut être ajusté aussi, là. Les maisons sont trop dispendieuses. Ouais, mais le marché va s'effondrer à un moment donné. Je pense que ça s'en vient. Mais à un moment donné, le marché va tomber. Il va y avoir des reprises avec les taux d'intérêt. Puis tout, là, les banques, à un moment donné, ils vont avoir trop de maisons sur les bras. Là, les prix vont baisser. Là, ça va être le temps. Là, ça va être le temps. Moi, je remarque, dès qu'on essaie de nous faire peur, quand il va y avoir un effondrement à la bourse, ben, c'est le contraire qui arrive. Puis dès qu'on nous dit, oh là, il y a de la croissance, ça va bien, blablabla, là, je me méfie. Je me méfie, je fais attention. C'est tout le temps le contraire. C'est tout le temps le contraire. Il ne peut pas avoir de la croissance à l'infini, donc il va avoir des forces de destruction. Puis c'est là que les gros mangent les petits. Ceux qui ont compris la game, c'est eux autres, les gros. Puis il y a quelque chose qui est lié avec, dans le fond, c'est des espèces ils sont lunaires. Les financiers, c'est pas des êtres solaires, c'est des êtres lunaires. Puis ils fonctionnent avec croissance, décroissance. Croissance, décroissance. C'est un culte lunaire, la finance. En même temps, c'est un petit peu solaire dans le sens que eux autres ils se considèrent comme solaire, donc, mais le soleil est au-delà de la lune, donc c'est un taureau qui est à Wall Street. Comme l'île de Minos, là, quand les Minoens, là, c'est un culte solaire, ça, mais leur calendrier était lunaire, puis on tombe dans des affaires mais tout est dans tout, hein. Tout est dans tout. On est comme un réseau électrique. On est tous les. Ouais, le système nerveux, là. Merci pour les confidences. Oh, les chakras externes, supérieurs et intra-terrestres sont liés en énergie prépersonnelle. Ben, je dirais que c'est tout lié. C'est tout lié. Bon, on aurait un chakra sous les pieds qui se promène dans le sol. Mais ça, bon. Des gros, ils vont manger du pain et les petits, les miettes. Ah, même pas, les gros, ils mangent les petits. Les petits mangent, puis ils se font manger. Donc, à un moment donné, c'est les moyens qui mangent les miettes. Les petits se font manger par les gros, puis par même des moyens. Il y a des moyens qui mangent les petits. Il y en a un ici, là, un homme d'affaires. Il a tout racheté, ce qu'il pouvait, les terres, puis c'est notre Bill Gates local. Ben lui, là, dans le temps, là, à un moment donné, son père, lui, il avait des blocs appartements. Puis à un moment donné, il y a une femme qui a appelé la police parce qu'elle est en retard sur son loyer, puis il s'était présenté le bonhomme à la fête de son enfant, puis il avait confisqué les cadeaux de l'enfant. Il y a du monde, c'est des... Bon, en tout cas, du monde demain, ça mérite d'être battu. Bon, je m'en retourne dans mon quotidien. Merci beaucoup, de rien. Donc, ben moi aussi, il va falloir, là. Donc, Atali qui parle de soucis pour la mise, l'ami, à où c'est de l'inversion, je ne sais pas. Je n'ai même pas vu qui parlait Atali. Je n'ai même pas remarqué. En lune c'est la lune décroissance cette nuit. Ouais, ben j'ai remarqué. Moi, je vais avoir des trolls puis du monde qui sont agressifs à partir de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Puis là, après, quand la lune devient décroissante, là, ils sont plus tranquilles. Donc, c'est spécial, hein? C'est spécial, mais j'ai remarqué ça. À cette heure, je prends dans le sens, je le note, puis je regarde ça. Donc, il y a des temps dans l'année, je peux m'attendre à avoir plus de problèmes. Je vais avoir des fatigants. Puis, ils ne se rendent pas compte, eux autres, qui sont connectés à ça. Ils ne s'en rendent pas compte. Tandis que, on dirait, moi, c'est le contraire, dans le sens que je vais être plus actif quand que c'est là, je suis à l'envers d'eux autres. Bon, en tout cas, la tentative des renseignements américains de pousser le narratif des UFO en ce moment, il y a pas mal de fausses apparitions, mais je suis content de voir que 50% des gens voient la connerie. Ben oui, mais à force de vouloir endormir le monde, on les réveille, dans le sens que il y a des mécanismes dans l'être humain. Donc, à un moment donné, ça va faire. Là. De regarder Rencontre du troisième type, à un moment donné, le gars, il est obsédé par une montagne. Et il sculpte dans ses patates. Puis, moi, quand j'étais enfant, j'ai vu ce film-là, j'avais trouvé ça drôle. J'avais trouvé ça drôle. En tout cas, crise bancaire, selon Tali. Ah oui. On verra. Mais moi, ben franchement, regardez la JP Morgan. Ça va-tu fermer, ça, selon vous? Morgan Chase et compagnie. Hein? Si je viens à bout la semaine prochaine de me débarrasser de ce que j'ai là, parce que là, j'ai été bloqué cette semaine sur quelque chose que j'ai perdu. Puis là, finalement, je ne perds rien tant que je ne revends pas. Puis là, j'attends. Puis là, même que j'aille revendre ça, là, comme là, tout le monde chiale, ah, l'argent américain, ça vaudra plus rien, les BRICS, puis blablabla. Là. Moi, je commence à penser vouloir m'acheter des devises américaines. Ben, franchement, là. Puis là, je vais attendre qu'il y ait une petite mini. Puis là, après, hop, je vais peut-être aller m'intéresser à certaines institutions. Hein? J'ai souvent envie de quitter la France. Ben. Bon, moi, ça m'arrive des fois d'avoir envie de m'en aller, mais pour aller où? Pour aller où? Je pensais des fois m'établir à Temple. Temple au Texas, mais là, je pense, oh, il fait chaud là-bas. C'est plein d'Américains puis de Mexicains, mais bon. C'est pas mieux qu'ici, dans le fond. Faut que je trouve aussi bien de rester ici. Hein? Ouais, mais c'est un plan B. Si jamais un jour je quitte le Québec, je m'en vais à Temple. Qui est une petite ville propre, bien dessinée. C'est pas trop gros. C'est ça, je sais pas. OK. Moi aussi, Roselyne. Est-ce que tu fumes toujours? Moi, j'ai pas encore assez d'autorité pour arrêter. J'arrête de temps en temps. Je peux arrêter une semaine, puis après, je recommence. Hier, il y a de quoi, j'étais pas de bonne humeur. Je suis allé m'en acheter. Puis, bon, ben, je sais que je vais y arrêter. Mais c'est spécial, hein? Je peux arrêter de fumer 2 semaines, là, je recommence 3 jours, je réarrête. Mais j'ai la respiration sifflante. Puis plus je vieillis, plus je le sais, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête complètement. Là, j'ai. Cette année, j'ai recommencé à boire un petit peu, mais pas grand-chose. Là, je bois quelques onces de gin là, dans de l'eau tonique le soir des fois. Bon, c'est pas de quoi virer fou, hein? Moi, j'ai recommencé à fumer cette année quand j'ai eu une grippe. Puis j'ai eu une espèce de. Il y a eu quelque chose d'émotif. J'ai vu quelque chose par terre dans une ruelle, une couleur spécifique, puis ça m'a débloqué des mémoires qui dataient d'il y a quasiment 30 ans. Là. Puis je me suis remis à fumer. Puis c'est des mémoires du temps où j'ai commencé à fumer. Puis même en retournant à l'épicerie, j'ai revu des choses que j'avais achetées quand j'ai eu cette grippe-là. Puis ça m'a remis dans l'état. C'est difficile à expliquer. Puis donc, bon. Ouf, non, non, ne viens pas en France. Non, j'irai jamais en France. J'ai pas envie de vivre dans un pays du Maghreb. Non, c'est une farce, là, c'est pas gentil. Mais il reste que, non, je me vois pas du tout aller vivre en France. De toute façon, là, faut tout, avec les préfectures, puis là, le système des départements, puis je veux pas envie de. C'est comme, faut tout réapprendre. Oui, mais les impôts sont moins compliqués. C'est moins compliqué. C'est ça qui est le fun. Mais je ne me verrais pas aller vivre en France, bien franchement. Là, souvent, des fois, je trouve que les Français ne sont pas de bonne humeur. Ils ont quelque chose aussi, des fois, de dépressif un peu. J'aime pas ben ça. J'aime pas ben la vibration. Moi, malgré il y a des belles places, il y a des beaux coins, là, comme. Mais c'est ça, là. Quel politisme, j'essaie d'être fin. Voilà. Hein? Vous parlez français, il n'y a pas de problème pour vous. Ouais, mais. Il faut tout réadapter. Il faut tout réadapter. C'est comme réapprendre une autre langue, quand même. Comme ici, bon, je veux dire, la formulation, je serais capable, mais si vous avez des fans ici, venez donc. Ben oui, mais j'en veux pas de fans, justement, dans le sens que ça me dérange pas qu'il y en ait, mais je vivrai pas avec eux autres. BDM avait dit, le public de la France, c'est l'immigration, et ça date. Le problème, ok, ouais, le PIB, là, c'est plus la France d'Aznavour, disons-le comme ça. Ben lui-même, il venait pas de là. Hein? Donc, c'est pas un Lituanien, lui. En tout cas, un Arménien, ou je sais pas trop. Ah non, il s'appellerait Aznavourian. Ben non, je pense qu'il avait changé un peu son nom. Ça me fait la même impression quand je sors de l'avion à Paris. Je vis à La Réunion. L'Europe, c'est triste. Ah, La Réunion, ça a l'air le fun. Mais être insulaire sur une île où il y a beaucoup de magie, beaucoup de volcans, je sais pas. Au moins, mais ce qui est de le fun à La Réunion, en plus, hein, il y a des temples dédiés à Guan Yu, puis c'est là que j'ai peur de m'astraliser. Une certaine tendance à ces affaires-là, donc. En tout cas. Y a-t-il un avenir pour l'Occident en déchéance? Sûrement. Sûrement. Même l'Empire romain existe encore. C'est ce qu'on appelle l'Occident en déchéance. Les Américains ont l'aigle là, comme symbole. Donc, hein? Bon. Aznavour est d'origine arménienne. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, moi, me semblait aussi, là. Bonjour, est-ce qu'on peut écrire des courriels lorsqu'on a une question ou des suggestions. J'avais une page courriel au nom de Bertolt, mais j'y vais plus depuis, ça doit faire presque un an maintenant. Donc, souvent, j'ai eu de la misère à répondre aux commentaires, même, parce que je manque de temps. Donc, ben non, pas vraiment. Là. Ici, soit tu restes et tu y sens bien, soit tu pars. Un sentiment d'oppression, c'est flagrant. On va vous parler de la France, mais ça peut être partout, ça. Ou on va vous parler à La Réunion. Mais ça a l'air beau. Puis, ben moi, ce que je trouve qui a l'air intéressant à La Réunion, c'est qu'il y a beaucoup de Chinois. Mais je parle des descendants, là, les commerçants chinois. Puis j'aime beaucoup la courge, ces choses-là. Puis bon, c'est pour ça que j'ai peur si je d'aller dans une place de même, je vais avoir, j'ai peur de m'astraliser. Dans le sens que, bon, ben, je vais être porté à traîner peut-être dans ces coins-là, puis à tout le temps là. Puis c'est comme les temples de Guanyu, je vais tomber fasciné, là. Ça me fascine, ces affaires-là. J'ai pas envie, là. En plus, c'est un coin, il y a de la magie. Il y a de la magie, il y a des groupes dangereux. C'est pas pour rien que, tu sais, des gens liés à l'Indonésie pas à l'Inde, là, qui ont des pratiques, j'ai pas envie d'être ciblé puis de disparaître. Hein? Oui, il s'appelait Aznavourian, ah, OK, de l'origine. Tous les noms qui finissent en Yan sont d'origine arménienne, moi. On en a un au Québec, Patrick Masbourian. Ben, juste à le voir, on voit que c'est un Arménien. Ça paraît, là. C'est du beau monde. Des sourcils typiques. Il a beaucoup de cultures différentes ici, c'est plutôt rempli. Ouais, mais c'est ce qu'il y a sous la surface. C'est comme les volcans, hein. Puis, si jamais il y a des typhons dans ce coin-là, c'est quand même dans l'océan Indien, c'est pas à l'abri plus tard de certaines choses. Donc, ça m'inquiète un peu. Bon, ben, moi, je vais y aller. À 1 h 15. Bon, c'est pas si pire. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Oui, les Français sont dépressifs. Je suis toujours tourné en Espagne, oui. Ben, au Québec aussi. Au Québec aussi. Je serais pas surpris qu'en Europe, c'est les Français qui consomment le plus d'antidépresseurs pour Canada, les Québécois. L'analogie à Aznavour et sa France, c'était plus son époque, moi, que je voulais dire. Mais bon, les époques, moi. Ben, prenez même Édith Piaf. D'origine, pas tout à fait française, là. Ça me semble, sa mère, c'était Marsa, là. La goualante, la goualeuse Marsa. Ah ben, de rien, merci à vous. Donc, ben, bonne journée à tout le monde. Oh, au monde, les Antilles, moi. Ben oui, Edith Piaf a des origines d'Afrique du Nord. Tchanian, ah ben, merci tout le monde. Bonne journée à vous tous. Merci à tous. Oui, mais c'est vrai, la mère d'Édith Piaf, c'est Marsa. Ben, qui n'est pas très connue, là. Je veux dire, ben, moi, je suis d'origine kabyle, ah, c'est ça. Oui, algérienne. On dirait qu'en France, faut venir d'ailleurs. Les artistes, souvent. Puis, donc, bon, ben, merci à tous. Puis, ouais, mais c'est comme sa mère, c'est difficile de trouver des enregistrements de sa mère. Mais ça a été une femme qui était dans la chanson là. Dalida. Dalida, c'est pas une Italienne née en Égypte, me semble. Me semble que c'est une Italienne née en Égypte. J'aime pas bien ben Dalida. Elle était dépressive pour vrai. Surtout sa phase disco, là. Ah! Au secours! Il était temps que. Non, bonne journée. Bon, ben, bonne journée à tous. Barbara, elle m'ennuie. Je la trouve plate. C'est plate. Là, je dis ça, c'est pas méchant, là, mais. Hey, bonne journée, l'oiseau moqueur qui arrive à la fin. Barbara, là, c'est lourd, hein? C'est lourd. Elle, quand elle voulait faire parler d'elle dans les journaux, là, elle avalait des pilules, puis. Au secours, je suis lasse de ce monde. Dalida, effectivement, italienne dans les jeux. Je ne suis pas un pas fan de ben, tu sais. Moi, je trouve qu'à partir des années 50, c'est la musique. J'aime moins la musique. Ah, ben, de rien. Ben, pareillement, je veux dire, aussi, vous me donnez du temps. Donc, mais ben, franchement, là, à partir des années 50, là, je trouve ça. La musique, je trouve vraiment ça, trouve ça, ça se détériore. Ça se détériore. Tu sais, Barbara, c'est plate. Ben oui, je dis pas ça méchamment, mais moi, je trouve ça plate. Je trouve ça plate. C'est comme Léo Ferré, je le trouve plate. C'est comme, à partir de, tu sais, c'est comme dans les années 50, il y en a, c'était pas si peu, mais sont dans l'oubli. Comme, bon, la Germaine Montero, pis ces affaires-là, bon. Pas super, c'est pas super, mais ça dépend en quoi. Nana Mouskouri, oh, je suis pas capable. Pas tout. Mais c'est comme je vous disais, à partir des années 50, tu dois penser que Louis de Funès est le dernier humoriste français. Bon, c'est pas Macron le dernier. Ben, Louis de Funès, je vais être franc avec vous, il me tape sur les nerfs. Je le trouve fatiguant. C'est pas très subtil à Louis de Funès. C'est quasiment un contorsionniste du visage, là. C'est comme. J'avais écouté l'aile ou la cuisse là, avec Coluche, là, pis. C'est pénible. Pour moi, là. C'est pénible. Ouais. Ben, je suis drôle. Ben. Mais Louis de Funès. Mon frère était fan de Louis de Funès. Ma blonde est une fan de Louis de Funès. Mais moi, ben, franchement, c'est pas. Il me fait pas rire, ben, ben. Je veux dire, c'est trop. C'est du grimaçage, c'est du gesticulage, c'est pas très subtil, là. Mais, tu sais, surtout, l'avare est excellent. Ouais, ben, là. Ouais, mais il y a des décors sur les. Il y a un moment donné, ils sont dans l'écurie, puis les chevaux sont peints sur les murs. C'est des chevaux, genre BD française, genre Lucky Luke, là, avec les hanches. Ils ont l'air à moitié morts de faim, les chevaux, là. Moi, je regarde la face à Louis de Funès, puis je pars à rire. Oh, il y a de quoi, là. La soupe aux choux, j'ai jamais été capable de l'écouter. J'ai jamais été capable de l'écouter, ce film-là. Je suis pas capable. Ben, Jacques Villeray, je l'aimais bien, mais je sais pas. Moi, je me souviens à un moment donné, genre, je vais écouter la soupe aux choux. Là, c'était déjà commencé. Puis Louis de Funès, il est en espèce de chemise de nuit avec un bonnet sur la tête. Puis il met des morceaux de pain dans la soupe. Puis il dit, ah, faut que ça prenne le bouillon. Puis là, oh, non, j'écoute pas ça. J'écoute pas ça. Là. Monsieur Joe était très bon. T'sais, j'ai pas vu beaucoup de choses. Mon acteur préféré, Louis de Funès, ben, c'est normal qu'il y ait des gens qui l'aiment. Mais moi, j'ai de la misère avec. C'est trop. Les films de Bertrand Blier, bon, je connais pas beaucoup la série. Ah oui, Pierre Richard. Ah, oh, un autre. Le Grand Blond. Le Grand Blond à la chaussure noire. La soupe aux choux, c'est le premier petit gris. Il était jaune et rouge, pas mal. Il était gros et tout. Ah, Kaamelott. Moi, j'ai jamais regardé hilarant. Louis de Funès ou Benny Hill, c'est presque aussi drôle. C'est de l'ironie, ça. Je me souviens, Benny Hill, ça me faisait pas ben ben rire. L'humour britannique, mais. Ah, je préférais Bourville. Ouais, là, on tombe dans d'autres choses, là, pas mal. Mais Bourville, j'ai déjà eu, en tout cas, j'avais un album de lui, là, mais c'était un peu, en tout cas, on se met à parler de tout, ça finira plus, là. Les films de Blier, ça parle mieux de la France profonde. Moi, j'aime bien tous les films tirés de l'œuvre de Marcel Pagnol. Vraiment, là. Mais souvent, c'est triste, c'est lourd. Bonjour Bertel et à tous. Ah, ben, ouais, je m'en allais. Un film meilleur, le dîner de con. Ben, Je l'avais trouvé, je sais, c'est bon puis tout, mais j'avais pas, ça m'a pas marqué autant que le Père Noël est une ordure. Hein? Ah oui, Bourville, oui, c'est tellement un autre registre. C'est drôle, hein? Moi je la trouvais, si on prend le Père Noël est une ordure, moi Anémone, je la trouvais jolie. Elle est morte toute seule, hein? Il paraît, elle est morte pauvre, puis tout ça. C'est triste. Tandis que l'autre, le Miu-Miu, elle tombe sur les nerfs. Bon, je vais y aller avant de dire trop de niaiseries. Bonne journée. Voyons. Bye tout le monde. Oui, Bourville, les chiens.